Bon, ça fait 2 semaines. On arrive au mois de juin et il est toujours pas rentré. On va devoir bouger. Je n'aime pas le mois de juin. Pourquoi ? Parce que c'est toujours à la fin de l'année qu'il se passe plein de choses terribles. Oui, t'as pas tort. En ce moment, je fais encore plein de rêves bizarres. Rien de pervers, hein, je t'assure. Mais j'ai l'impression que je peux communiquer avec les Macross. Je commence à ressentir les autres. C'est peut-être le fait de porter le masque. Bon, ça te dirait de danser un peu ? Hein ? Quoi ? Mais pourquoi faire ? J'en sais rien, une envie soudaine. Mais c'est pas important. Tiens, tu lis le livre de Dom Banawa ? Oui, c'est pas un bouquin très intéressant. Mais quand même, j'ai pu voir ce sigle. C'est fait à l'encre. J'ai déjà vu ça. C'était sur le pendentif du père de Yulia. On dirait limite un panneau de signalisation. 2 bandes horizontales à l'intérieur d'un octogone, lui-même dans un carré. Trop bizarre ce bidule. J'ai réfléchi à quelque chose, Hachi. Je pense qu'on pourrait profiter du beau temps pour aller sur la tombe de tes parents. C'est pas très loin d'ici. Ils ont une tombe, mes parents ? Mais depuis quand ? Depuis toujours ! Tout le monde le sait dans le monde otaku ! Sauf moi, toujours à la bourre dans les révélations. Mais quand même, ça craint rien qu'on y aille. Waro Demorote doit sûrement penser que j'irai là-bas. Possible. Tu veux mettre ton camouflage optique ? Pas la peine, j'ai qu'à garder ce masque de holo. Les gens vont avoir tellement les pétoches que personne ne nous embêtera. Alors, c'est ici ? La vieille dame m'a dit que le cimetière était pas loin de la maison Ikoku. Ah oui, par là ! Voilà la sépulture en hommage à mes parents, Vivi et Jace Powa. Elle est bien plus grande que je l'imaginais. Je vais prier. Reposez en paix. Hachi, regarde ça. Sur cette pierre tombale, il y a encore ce même symbole. Vraiment ? C'est écrit qu'il s'agissait des sœurs Kizuki, inconnues au bataillon. Ça me dit vaguement quelque chose, moi. Je le reconnais, c'est bien lui. Oh non, c'est le mec qui était déguisé en Wolverine. Les rumeurs disaient vrai. Ouais, c'est bien Chipo, t'as raison. Ah, il s'est pointé comme prévu, on va pouvoir se faire des Kintama en or. Je suis découvert, on dégage, Milton. Attirons-le ! Powa, j'ai failli être aveugle à cause de toi. Yaaah ! Hachi ! Non, le masque me torture, non ! Parlez de météor, c'est gaffe ! Tiens, prenez ça! Et ça! Mais c'est Seiya! Les chevaliers de Pégase! Eh non, c'est bien moi, Won! C'est toi! Vite! Hachi se fait électrocuter par le masque de Holo! Quoi? Non! Que s'enflamme mon cosmos! Rayon astral! Mon dieu! Yes! Tu as réussi! Tu as détruit le masque de Holo avec ton rayon machin! La vache, ça fait mal ton truc! T'aimes bien les retours en fanfare! Je croyais pas que vous seriez assez idiot pour venir ici! Pourquoi ça? Et avant tout, comment tu nous as retrouvés ? Et comment ça se fait que tu as l'armure de Pégase sur toi ? Ah ça ? Une bien sale affaire, croyez-moi. Tout a débuté il y a 12 ans dans la province de Londres, non loin d'une mine alors que j'étais petit et que je me baladais sur un petit chemin. Fais-nous la courte. Très bien, très bien. Bon, bah pour faire simple, je voulais plus vous voir et je regrettais absolument pas ce qui s'était passé l'autre jour où on s'est disputé. Sympa. Et un soir, je me baladais et j'ai vu une silhouette au loin. Alors je me suis approché discretos et j'ai vu qu'elle a plongé un gros objet dans un étang. Ensuite, elle s'est barrée. Alors j'ai regardé dans l'eau et c'était la boîte avec l'armure de Pégase. J'en croyais pas à mes yeux, et je vous dis pas la galère pour la remonter à la surface. Hein. J'imagine. Bref, ensuite j'ai écouté un peu la radio que j'avais piqué le matin même à un pêcheur du coin. Il y avait un flash spécial sur Otaku Radio Live, c'est une émission dédiée à des jeunes qui se trouvaient être à Jobar. Ne me dis pas que... T'as deviné, ces idiots de Samus et Sourdine ont utilisé notre table de mixage qu'on a trouvée dans la chambre il y a quelques mois pour diffuser un truc. Et je l'ai enregistré sur une cassette, tiens écoute ça. Présentez les joueurs pour la... C'est le Kami-sama Show! Pour la première partie de l'émission, nous allons vous présenter les joueurs pour la finale de la 423e Coupe d'Angelic Killer. Mais figurez-vous que nous avons des informations de la première importance, et ce n'est pas concernant les jeux vidéo, je vous assure. Il paraît que Hachi Powa a été aperçu non loin de sa ville natale. Il veut probablement rendre un dernier hommage à ses parents avant de rendre son dernier souffle. J'étais loin de me douter que vous iriez vraiment ici. En fait, c'était un total hasard. Ouais, ben par chance, moi aussi je suis venu. Par acquis de conscience quoi, pas parce que vous me manquez, les blaireaux. Ronald, espèce de petit otaku de débile. On se faisait du souci pour toi. Plus ou moins, ouais. En tout cas, tout le monde a l'air entier. J'ai écouté la radio et je n'ai pas entendu le moindre nom d'un des membres de ma famille. Par contre, il y a tout un tas de types totalement inconnus qui crèvent. Les Hellboys s'amusent bien, tant sur les otaku que sur les casse-cul. Bon bah, maintenant, faut qu'on bouge. J'irai bien à la maison de Yuya. Son père pourrait peut-être nous en dire un peu plus sur ce symbole étrange. Voici la maison de Yuya. On dirait une reproduction de Kame House, la maison de tortue géniale dans Dragon Ball. Ben, de mémoire, le grand-père de Yuya vient par ici des fois. Il aime bien se déguiser avec une carapace de tortue. Ah, je pense que je l'ai déjà vu une fois. Enfin, pas fâché d'être arrivé. C'est fatigant de porter l'armure sur mon dos. Qui est là ? Hachi. Hachi Powa. Vous ? Vous êtes recherché ? Il paraît, ouais, mais je suis là pourtant. Bon, bah, entrez. Enfin, dépêchez-vous. Attendez-moi quelques secondes, je reviens. Ah, c'est plus grand que ça en a l'air chez vous. Monsieur Yogurt, Yuya n'est pas là ? Yuya ? Ah, Yuya, non, elle est à l'école, voyons. Ouais, logique. Voilà, que me vaut l'honneur de votre visite, monsieur Powa ? Nous venons à cause de ce que vous avez autour du cou, ce pendentif. Qu'est-ce que ça signifie au juste ? Ça ? Mais c'est le symbole des trois reliques du monde des ténèbres. Pardon ? De quoi ? Mais vous n'avez jamais lu le manga Yu Yu Hakusho ? Mais si, bien entendu. Yuya Hakusho ? Bof. Peu importe, des otaku japonais mal lunés se sont mis en tête de créer trois objets puissants et leur ont donné le nom des Yamino-san, je sais plus trop quoi. Enfin, dans le langage courant, on les appelle les trois reliques. Le monde des ténèbres, c'est juste pour le folklore, pour amplifier l'aspect maléfique. Bref, j'imagine que vous avez déjà lu le conte des trois sœurs. Évidemment, j'ai même une copie ici. Le livre que t'as légué d'Umbanawa ? En effet, mais ce ne sont que des contes. Ce n'est pas tout à fait faux, mais lisez donc, jeune fille aux cheveux très mal coiffés. Bon, très bien. Le conte des trois sœurs. C'est une chaude journée d'août, alors que la nuit commençait à tomber. Mitten, couple et fioritures. Oh, c'est dommage, il est joli ce conte. Bon, eh bien pour résumer, il s'agit de trois sœurs qui se rendent dans le monde des ténèbres. Elles y rencontrent Enma, le dieu des enfers. Pour les féliciter de ne pas avoir été dévorées vivantes par tous les démons qu'elles ont croisés, Enma leur fait cadeau d'un objet chacune. La plus jeune demande le moyen de s'enrichir le plus rapidement possible. Il lui fit don d'un dé du risque, qu'elle utilisa pour gagner beaucoup de yens. Malheureusement, le dé tomba sur mauvaise fortune, et elle mourut dans d'atroces souffrances. Ainsi, Enma prit la première sœur. Ensuite, la deuxième demanda le moyen de se cacher de ses ennemis, et le dieu de l'enfer lui donna une combinaison optique. Cependant, celle-ci n'était pas assez efficace lorsqu'il y avait trop de lumière, et des démons l'ont dévorée toute crue lorsqu'elle passa près du torrent de lave. Ainsi, Enma prit la deuxième sœur. Et pour la troisième, voyant que les deux autres étaient des idiotes finis, elle demanda un bandeau de ninja guérisseur. Comme cela, elle eut beau se faire lacérer, elle vécut longtemps et n'arriva devant le dieu des enfers que bien des années plus tard. Alors que c'était en fait son fils qui gouvernait le monde des ténèbres. Enma Junior. J'ai rien pigé. Tiens, c'est la première fois que j'écoute une de tes histoires sans avoir envie de te trucider. Et voilà, il s'agit des trois reliques du monde des ténèbres. Yeah. Ah mais si, regardez, je vais le dessiner. Bon, les deux traits horizontaux, bon, il s'agit du bandeau ultime capable de tout guérir. L'octogone, c'est le dé du risque, le seul objet pouvant exaucer les vœux. Et enfin, le carré, la combinaison optique la plus perfectionnée qui permet de se rendre totalement invisible. Enfin, les trois reliques, quoi. Vous payez ma tête, là ? Mais bien sûr que non, ce conte n'est là que pour la forme, et les objets existent réellement. Cela a quelque chose à voir avec les sœurs Kisugi ? Bah, il s'agit de voleuses qui se seraient emparées des reliques il y a une cinquantaine d'années. Bah, depuis, elles seraient passées de main en main, et à présent, personne ne sait où elles se trouvent. Ça ne peut pas être une simple coïncidence. Je suis d'accord. Moi, j'ai rien compris. Vous, à l'intérieur, sortez les pieds derrière la tête ! Ah ! Qu'est-ce qui se passe ? Les Hellboys ! Ils nous ont trouvés ! Mais comment ? Je suis désolé. C'est vous qui les avez appelés ? Espèce de sale contrefaçon de goodies ! Je suis désolé, j'avais pas le choix. Ils ont menacé de torturer Mayuya et de faire fermer mon entreprise. Personnage secondaire à la noix ! Je sais pas ce qui me retient, vous... Vous êtes cerné ! On a un bazooka, je vous préviens ! Sérieux ? Bon bah là, pas le choix, on doit se rendre. Enlève tes lunettes, Hachi ! D'accord, mais pourquoi... Aïe, ça va pas la tête ! Fiche le sang du nez. Au moins, il mettra un peu de temps avant de te reconnaître. J'ai perdu une dent. T'as de la chance que c'était ma dernière dent de lait. Enfin, voilà. Alors, comme ça vous auriez déniché Hachi Powa ? En effet, monsieur Malfay, nous avons été informés par Pegasus Yogurt, ensuite nous sommes venus directement dans votre manoir. Vous avez fait du bon travail! Tu es sûr qu'il s'agisse bien de Poa? Je l'ai déjà vu, mais il ne ressemble pas vraiment à ça dans mes souvenirs. Voyons, Bella, ça ne peut être que lui. Trois gamins qui se baladent dans toute l'Angleterre. Ça peut être n'importe quel gamin, justement, Abyssa. Je suis prêt à m'en porter garant. Et si nous nous trompions? Faire venir le Seigneur de Londres, ça fait un certain nombre d'heures de trajet. Il ne nous le pardonnerait pas. J'ai une idée. Dracho, viens ici tout de suite. Bande de larves! Oui, mère? Ce gamin-là, identifie-le. Nous sommes persuadés qu'il s'agit de Poa. Ce clodo-là, il lui ressemble pas vraiment. Bon, bon, puisque ta famille semble vouloir se ridiculiser. S'arrête. On va procéder différemment. Balancer les affreux dans le cachot. Et nous deux, mademoiselle, on va s'amuser un peu entre filles. Au secours! Hé, toi! Où tu vas avec ça? C'est une simple boîte gravée, une bien maigre compensation par rapport à notre capture. Tu as intérêt à poser ça, sinon la prochaine fois que tu liras un manga, ça sera dans ta tombe. Vous êtes tous siphonnés, et moi je suis taré de vous suivre dans vos délires. Reprenez votre bidule, mais je veux la récompense. Dégage! Aïe! Qu'est-ce qu'elle va faire, Mitton, cette belle Swan? Lâchez-la! Ah, je ne m'étonnais de ne pas vous avoir encore vu, monsieur Poa. Qui est là? Oniwaban? Le marchand de bandeaux? Et qui êtes-vous derrière lui? Konnichiwa, je suis l'ex-directeur de la banque de Tokyo. J'ai envie de dire... Nye? On n'a pas le temps de s'occuper de ça, il faut qu'on se barre d'ici. Vous avez une idée? En venant, j'ai vu un vaisseau, ça doit être celui de Vicious Malfay. Il est suffisamment grand pour qu'on y rentre tous ensemble. Mais il nous faudrait de l'aide. Demo! Demota! Ramène tes fesses ici! C'est peut-être trop loin pour qu'il puisse apparaître. Ouais, ce fainéant veut juste pas venir. Bon, allez, joue la dernière carte. Tiens, monsieur Oniwaban, prenez mon kimono s'il vous plaît. Si vous le désirez. Waouh, tu portes la combinaison optique! Bonne idée, il fait tellement sombre qu'il est certain qu'ils ne te verront pas. Je me suis dit que c'était plus prudent de la porter. J'ai déjà fait l'erreur de ne pas la mettre lors de l'histoire au cimetière. Hop, invisible mode, on! Bon les gosses, vous allez venir avec moi. On va voir si vous êtes plus coopératifs à présent. Aïe! Je vais devant. Allez Dracho, tu vas nous dire si c'est bien Poa? Mais vous me gavez, vous tous! Lâchez-moi le futon! Dracho, c'est extrêmement important. Je... Ah! Prends ça, Malfay père! Ah, mais qu'est-ce qui se passe? Et ça, c'est pour Malfay fils! Qu'est-ce que... Ah! Je le savais! C'est bien Poa! Il est invisible! Par contre, toi, le requin, je te vois! Vous vouliez vous échapper, c'est ça? J'ai un petit compte à régler avec toi! Mon sang, elle a un flingue! Bon, dégage de là! Jamais! Les héros de Shonen ne reculent pas! Ah, ma raquette et mes balles! Hasta la vista, gamin! Jeune Shonen! Oh! Allez, c'est bon, ils sont tous KO! Prenons le vaisseau! J'avais porté votre ami qui est blessé! Vous savez conduire ça, monsieur Oniwaban? Dois-je vous rappeler que j'ai maintenant 93 ans? Je pilote depuis mes 18 ans! On s'en fout! Allez au nord, c'est la nouvelle maison de mon frère et de sa femme! J'ai vu un œuf. Ça y est, le voilà qui délire encore. Je déconne pas, je me suis endormi et j'ai vu un building. Et ça a zoomé au dernier étage, et il y avait un œuf. Tu m'en diras tant. Elmiton va mieux si ça peut t'intéresser. Je l'ai soigné, et Fleur s'est occupée du banquier bizarre, qui tourne en rond dans le salon depuis une heure. Complètement taré ce gars-là. Mais bon, j'ai soigné sa jambe, c'est Vicious qui l'avait torturé. Monsieur Oniwaban, je peux vous parler? Ah, monsieur Poa, je m'étonnais de ne pas vous... La ferme, vous allez pas me dire ça à chaque fois qu'on se voit. Bon, je voudrais en savoir un peu plus sur le bandeau ultime. C'est quoi ce plan? Ne me dites pas que vous croyez, c'est sans net! Vous feriez mieux de trouver un moyen de vous cacher, sur la lune de préférence. Monsieur Tid, je suis au regret de vous annoncer que ce bandeau existe bel et bien, car je l'ai déjà vu et j'ai expérimenté ses pouvoirs. Vraiment? Alors, cette histoire de relique du monde des ténèbres... Ça n'emporte que le nom, mais le bandeau ultime est en effet l'une des trois reliques. Donc, ma combinaison optique léguée par mon père, c'est la deuxième. Et le dé du risque que Tsunade-sama m'a donné est la troisième. Elmiton, ça va mieux? Oui, oui. Bella a pris un couteau et m'a lacéré le bras. Elle a voulu écrire Féru de Manoir, mais elle n'en a pas eu le temps. Il manque la dernière syllabe, alors je pense que plus tard, je ferai écrire Ga à la place. Féru de manga, c'est un peu mieux, c'est certain. Donc, vous disiez que vous avez pu utiliser le bandeau? Exact. C'est Jabus Dumbanawa qui me l'avait apporté pour que je confirme ses pensées. Il n'a jamais voulu me dire comment il l'avait acquis, par contre. Ce bandeau est très intéressant. En règle générale, c'est l'otaku qui choisit son bandeau. Mais là, on dirait que c'est le bandeau qui sait qui est son vrai maître. Mais en quoi ça nous intéresse? Le bandeau ultime guérisseur. À tous les coups, Wuru de Morote veut s'en emparer. Possible. Alors c'était le bandeau de Dumbanawa? Celui qu'il portait à sa barbe, rouge sang avec un fruit du démon gravé dessus? Effectivement. Alors là, je crois qu'on a un problème, petit frère. Garde cette coupure de journal. Non! La tombe de Dumbanawa a été profanée! Donc il l'a. Wuru de Morote possède le bandeau ultime. Et il va le garder sur lui. Si jamais il se fait blesser, il guérira instantanément. En attendant, on doit trouver les deux derniers... s'il vous plaît, Fleur, Will et Monsieur Oniwaban, vous pourriez nous laisser seuls avec ce banquet? D'accord, on va aller dans la cuisine. Que voulez-vous de moi, Monsieur Powa? Je vous remercie de m'avoir libéré, mais... Pourquoi étiez-vous retenu en otage dans le manoir des malfaits? Bon, eh bien, si ça vous intéresse vraiment, ils sont venus me chercher le jour où j'ai refusé de réaménager la banque de Tokyo juste pour la petite personne. Non, mais qu'est-ce qu'ils ont dans la tête, ces Hellboy? Réaménager? C'est-à-dire? Je n'ai pas bien compris. Bella Swan est arrivée un jour avec ses petits copains et elle voulait faire des modifications sur son coffre. De quel genre? Renforcer la sécurité, a priori. Mais j'ai répondu que c'était déjà largement suffisant. C'est pas Fort Knox, mais quand même. Ensuite, ils sont venus me chercher par la force. Chez moi, devant ma fille. Une fille? Elle est à Jobar? Elle est jolie? Non, désolé, c'est l'habitude. Ah, j'aimerais rentrer à Tokyo le plus vite possible. Mes proches doivent être morts d'inquiétude. Wan, il y a un ordi ici? Bah évidemment, t'es dans une maison de gros otaku. Il y a de la fibre optique. C'est ça, c'est le gratte-ciel que j'ai vu en rêve. La tour de la banque de Tokyo. Alors cet œuf, c'est un Macross? Probablement. Il était bizarre, coloré, et on dirait qu'il bougeait. Attends, laisse-moi Internet. Alors, C'est quelque chose comme ça? Oui, c'est ça. Mais comment tu le sais? Grâce à mon esprit supérieur, j'ai pu reconstituer une image mentale de ton soi-disant Macross. C'est un œuf de Shugo Gara. Comme le nom du manga pour filles? Ça me paraît exact. Dans ce cas, c'est décidé. On va à Tokyo avec le vaisseau de Malfait. Vous pourrez nous aider à entrer dans la banque, monsieur, dont j'ignore encore le nom. Takanaka. Kujibiki Takanaka desu. Bon, ça sera banquier, ce sera plus simple. Non, peu importe. Je risque de me faire tuer. Je n'irai pas là-bas. Sauf si... Oui? Eh bien, je veux que vous me teniez cette boîte à l'effigie de Pégase. Certainement pas de nom de nom catégorique. Je fais ce que j'exige. Très bien prononcé, mais c'est toujours non. Du fric et des photos dédicacées, c'est mon dernier prix. Bon, d'accord, j'accepte. Monsieur Niwaban nous conduira jusqu'à Tokyo. Ok, on se prépare et on y va. C'est ici. Posez-vous dans le parc. Très bien. Vous pouvez garder le vaisseau, Niwaban. On se débrouillera pour la suite, vu qu'on improvise. À bientôt! Merci, mon ami. À la revoyure! Ah, je m'étonnais de ne pas vous avoir encore. Il a un grain, ce type! Ah bon? Je trouve qu'il te ressemble, moi. On pourrait profiter de notre escale à Tokyo pour faire un purikira? C'est pas le moment pour le photomaton, Miton. Ça va être chaud, là. Y'a plein de gardes à l'entrée. Je possède un pass spécial. C'est une porte à l'arrière, mais les Hellboy étaient si pressés qu'ils n'ont même pas pensé à me la prendre. En même temps, vous étiez censé être emprisonné. Ça fonctionne! Vous allez devoir monter jusqu'au niveau 60 avec cet ascenseur. Pour la suite, je ne sais pas, ils ont dû changer la disposition des deux derniers étages. De toute manière, il est obligatoire de monter le reste à pied. Pour ce qui est du coffre de Swan, il se trouve au dernier étage, à droite de l'escalier, troisième porte sur la gauche. Voici ma carte d'accès universelle, ça pourra peut-être épargner quelques obstacles. Et en parlant d'épargne, j'espère que vous tiendrez votre promesse, Monsieur Powa. Oui, oui, cassez-vous la poule mouillée. Allez, on y va! Prends mes affaires, Miton. Je vais m'infiltrer avec la combinaison invisible. Et pourquoi moi? Moi, je trimballe déjà mon sac, en plus de cette satanée armure. Dire que c'est toi qui dis que je possède les trucs les plus cool. Toi, t'as la raquette du prince du tennis et l'armure de Seiya. Hé, les morveux, faites quoi juste ici? C'est privé. Mon père travaille ici et je veux venir le voir pour... Bon, tu te dépêches, Hachi. Ya. Ben quoi? T'es vraiment nul en impro. On va passer par cette porte. Nom d'un casque lobotomisé. Ils sont super nombreux. Ils ont des armes blanches. Wan, tu as une idée? Pas sûr que j'arrive à tous les éliminer avec ma raquette. Éclair du dragon céleste. Je commence vraiment à m'habituer à utiliser un sabre. Je l'ai piqué à un Hellboy qui regardait pas. M'avait tout l'air d'un mafieux d'ailleurs. Bien joué les gars. Mais c'est vrai qu'être invisible ça aide. Ne traînez pas l'escalier par là. C'est ici. Alors, le banquier a dit à droite, puis la troisième porte à gauche. Attends, je rêve? C'est bien ce que je crois. Pas de doute, ça ressemble vraiment à l'entrée du magasin de Londres. Oui, regarde, c'est marqué sur l'écriteau. Le Nippon Chanteur. C'est n'importe quoi. Ils auraient amené le bar du quartier gay de Londres jusqu'à la banque de Tokyo. Ça a aucun sens. Bon, je désactive l'invisibilité et puis je rentre pour voir, hein. Quitte à entrer, y'en a rien. Ah, monsieur Parois, bienvenue, bienvenue. Qu'est-ce que je vous sers? Mais on est en plein délire, là, je vais me réveiller. Nous cherchons le coffre de madame Bella Swan. Oh, oh, c'est plutôt inattendu. Je vais devoir vous couper la tête. Pardon? Mais non, je déconne. Ils ont fait déplacer mon bar karaoké ici pour protéger ce coffre. Mais du coup, je n'ai plus beaucoup de clients. Je me fiche de toutes vos histoires. Si vous voulez accéder au coffre, pas de soucis. C'est la première salle à ma droite. Par contre, il va falloir raquer 15 000 yens. Si vous voulez, tenez. Mais d'où tu sors cette liasse de billets? T'es magicien ou quoi? Pas loin. C'est un karaoké? Le coffre est vraiment ici? Oh, je crois avoir compris, et ça m'enchante pas. Allez, Hachi, te dégonfle pas. Mais qu'est-ce que vous racontez tous les deux? On doit trouver l'œuf de Shugokara, t'es d'accord? Eh bien, pour entrer au chemin des perverses, il fallait chanter un opening bien compliqué, comme celui de Shugokara. Allez, qu'on en finisse. Je comprends mieux pourquoi Dumbanawa n'arrêtait pas de s'entraîner à cette chanson. Il devait avoir flairé que les Hellboys utilisaient une stratégie aussi débile. Allez, c'est parti! シャイアイプ、ナイタアタシ。クールデスよくてかっこいい。イケてると言われていても、本当はそんなでもないし、普通にオノモナコダムに。プレッシャーなんかあなのけて。 続けてあ、いわらてて。私の心、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ Yatta! Le passage secret! Pas sûr que je me sois amélioré en un an, mais ça a fonctionné en tout cas. Waouh! Cette salle est remplie d'objets précieux! En plus, la vue est imprenable sur Tokyo! Magnifique! On s'en occupera plus tard! Il faut trouver l'œuf! C'est celui-ci! Je le tiens! Qui ose me toucher? Je vais vous réduire à néant avant même que ces humains de pacotille ne vous retrouvent! Blaze Shock! C'est un Macross qui permet de torturer! Ah, vous connaissez ma véritable nature! Intéressant! Mais figurez-vous qu'il m'est aussi possible de tuer Shining Black! Ah, encore cette douleur dans ma tête! Plus de temps à perdre! À moi! Armure de Pégase! Tu vas goûter à mon attaque dévastatrice, le tourbillon de Pégase. Qu'est-ce que... Et voilà, encore une fois, je vous sauve la mise. C'est surtout que l'armure est capable de détruire les Macross Selan. Les Hellboy arrivent. Nous sommes coincés. Certainement pas, depuis le temps que j'attendais ce moment. Transformation. Wow, j'avais totalement oublié qu'en plus, t'étais un cyborg. Et depuis quand t'es un centaure à l'endroit? Lupin m'a remodifié pendant le mariage, et grâce à l'armure et aux ailes, je suis un vrai Pégase. Allez, montez sur mon dos. Yahoo! Wouhou, on vole! Oh mon dieu! Il faut aller à l'école! J'ai eu un flash, le dernier Macross se trouve là-bas! Ok, let's go! Mais c'est où? À l'ouest! Mais comment veux-tu que je sache où est l'ouest? Là où le soleil se couche, Baka! Direction Jobar, l'école des otaku!